Chapitre 33e, la lettre de l'évêque. Deux jours après la noce, une lettre à l'adresse de Gare arrivait au domicile de Madame Halliburton. La vue du sceau, une mitre, annonçait qu'elle venait de l'évêque de Helstonleigh. Elle enjoignit à Gare de se rendre le matin suivant à 9 heures à l'évêché. Gare prit peur. Avait-il encouru le déplaisir de son supérieur? Allait-il recevoir une réprimande? Monsieur Tate était retourné à Londres. Gare devait repartir le lendemain samedi. Frank, qui était en vacances, comptait rester encore une semaine ou deux. « Voilà Gare sans dessus-dessous !» s'écria Frank, qui s'était perché sur le bord d'une table. « Gare voit toujours les choses par leur mauvais côté. Si le grand chancelier me faisait demander, je me figurerais tout de suite que ma fortune est faite. Sa seigneurie va te donner un bénéfice, Gare. « Allons donc !» répliqua Gare. « Quel rapport ai-je avec l'évêque? Il y a longtemps qu'il te connaît. » Moi, pas plus que tant d'autres. Si l'évêque s'intéressait à tous les ministres sortis du collège de Helstonleigh, il en aurait joliment sur les bras. Je crois que je l'aurais offensé sans m'en douter. Calme-toi, Gare, tu ne dormiras pas cette nuit. Frank, je dois avouer que le billet me paraît bien bref et bien sec, remarqua Jane. Qu'est-ce que cela prouve? Remarqua Frank. Si Gare dormit ou non cette nuit-là, il ne l'a jamais dit. Mais il alla le lendemain à l'heure fixée à son rendez-vous. Sa mère et Frank restèrent tranquillement à causer à table. « Frank, disait Madame Halliburton, je suis souvent inquiète à ton sujet. À mon sujet !» s'écria Frank avec surprise. « Si tu allais te mal conduire, je sais quelle tentation la vie de Londres offre aux jeunes gens, surtout à ceux qui n'y ont pas de famille. Je me tiendrai à l'écart. Ma bonne mère, je vais te dire la vérité, » fit-il avec vivacité. « Crois-tu que nous puissions nous mal conduire avec l'éducation que nous avons reçue de toi ?» « Regarde William, regarde Gare. Quant à moi, sans me vanter, je trouve que la société devrait me mettre sur un piédestal. Tu n'aimes pas que je plaisante. Alors crois-moi, en toute sincérité, tes fils ne peuvent pas te faire déshonneur. Enfant, nous n'avons pas accompli notre devoir pour oublier l'âge d'homme. Tu nous as donné la meilleure leçon qu'une mère puisse enseigner, qu'un enfant puisse retenir, quand tu nous as fait comprendre que Dieu était toujours notre témoin. » Les yeux de Jane se remplissaient de larmes. Elle sentait que Frank parlait du fond du cœur. « Et tu marches bien. Avec les causes qui me viennent, mes occupations littéraires et mes appointements, je me fais déjà de 15 à 16 000 francs par an. J'espère que tu ne dépenses pas tout. Non, certes, je mets de côté ce que je puis. Il est vrai que je ne vis pas de pain sec et de pommes de terre 6 jours de la semaine, comme tu sais que nous l'avons fait. Mais je règle mes dépenses. C'est parce que je ne fais pas de folie qu'il m'est permis d'économiser. » « Maintenant, Franck, une autre question. Pourquoi m'as-tu envoyé ce billet de 2 000 francs ?»« Je t'en enverrai bientôt un autre, maman, » se contenta d'ajouter Franck. « Quoi? Tu pourrais supposer que je gagne de l'argent plus qu'il ne m'en faut sans rien envoyer à ma bonne petite mère ?»« Mais Franck, je t'assure que je ne sais qu'en faire, je n'en ai pas besoin. Alors mets-le sous cloche pour le regarder. Aussi longtemps que j'aurai une tête pour penser et des bras pour travailler, je penserai à ma mère et je ferai quelque chose pour elle. » « As-tu donc oublié, comme elle a travaillé pour nous? Je voudrais tant que tu vinsses demeurer avec moi, mère. » Jane recommença tous les arguments qu'il apportait à se décider en faveur de Gare. Le plus important de tous, c'était que chez Gare, elle ne serait pas trop loin de Helstonleigh. De tous ses fils, Jane, sans en avoir conscience peut-être, préférait son aîné, et s'en aller loin de lui eût été pour elle un grand chagrin. Gare entra au milieu de la conversation, il n'avait nullement l'air d'avoir été réprimandé. Il entra presque aussi bruyamment que jadis en revenant du collège. « Frank, tu avais raison, l'évêque me donne un bénéfice, maman, c'est vrai !»« Naturellement, » dit Frank, « j'ai toujours raison, je suis avocat. »« L'évêque ne m'a pas fait attendre une seule minute, quoique je fusse là avant l'heure, il a été très bon. »« Il m'a serré la main, il... »« Quelle cure ?» demanda l'impatient Frank. « J'y arrive, Frank. L'évêque m'a dit qu'il nous avait tous vu grandir et qu'il était bien aise de m'assurer personnellement qu'il n'avait jamais eu que de bons rapports sur notre compte. Mais je n'ai pas besoin de te répéter tout cela. Il a continué à me demander si je remplirais avec zèle mon devoir dans une cure. Je lui ai répondu que oui, et je vais en avoir une. « Longue vie à l'évêque !» cria Franck. « Mais où est-elle donc cette cure? Dans la lune ?»« Oh oui, où? Devine où, maman ?»« Gare, mon cher, comment veux-tu que je devine? Maman, c'est des aux femmes !» Déophame, oh, Gare! Oui, c'est Déophame. Maintenant, tu n'auras plus à quitter Helstonleigh. Je parie ma perruque que M. H. l'a mis la main à la pâte, s'écria Frank. Mais la nomination venait bien réellement du digne évêque, et certes, elle en valait la peine. 10 000 francs par an, et le plus joli presbytère devint lieu à la ronde. Les brillantes études des jeunes Halliburton et la réputation dont ils jouissaient étaient arrivées aux oreilles de l'évêque. La conduite de Gare comme suffragant avait été exemplaire. Sa prédication sortait de l'ordinaire. Il ne fallait pas laisser dans l'obscurité un pareil talent. L'annonce du mariage de William dans les journaux de la localité avait peut-être aussi rappelé à l'évêque le presbytère de Théophame. Une chose certaine du moins, c'était que, quelques heures après cette lecture, il avait fait atteler sa voiture et était allé rendre visite au manoir de Théophame. Pendant sa visite, il avait pris le bras de M. Ashley et l'avait entraîné sur la terrasse comme s'il voulait examiner de plus près le beau dindon. « J'ai pensé, M. Ashley, à conférer le poste de pasteur de Théophame à Edgar Halliburton. Qu'en diriez-vous ?»« Que je le regarderais presque comme une faveur personnelle, » avait répondu M. Ashley. « Alors c'est fait. Il est jeune, c'est vrai. » Mais je connais de plus âgés moins méritants. Votre seigneurie peut être assurée qu'il y a peu de jeunes gens aussi respectables que les Halliburton. Je le sais. Depuis leur enfance, je leur porte intérêt. Je les ai vus grandir sous mes yeux. C'est ainsi que Edgar Halliburton devint pasteur de Théophame.